Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 72. De l'œuvre du sixième jour. Les animaux terrestres, l'homme. De même qu'au cinquième jour, le corps intermédiaire, l'eau, reçut son ornement, ainsi, au sixième, le dernier corps qui avait été distingué le troisième jour, la terre, reçut le sien par la production des animaux terrestres. Mais, comme la vie la plus parfaite se trouve en nous, l'homme fut produit immédiatement par Dieu, à l'image et à la ressemblance duquel il fut fait. Note. En ce jour furent produits les animaux domestiques, jumenta, les bêtes sauvages, bestiae, les reptiles, reptilia, et tous les autres animaux que l'Écriture désigne sous le nom commun de quadrupèdes. On a demandé comment Dieu a pu être l'auteur de certains animaux venimeux et nuisibles à l'homme. Voici la réponse de saint Augustin, un ignorant qui entre dans l'atelier d'un ouvrier, y voit plusieurs instruments dont il ignore l'objet. S'il est d'une ignorance démesurée, il les croit inutiles. Vient-il à tomber par imprudence dans une fournaise ou à se blesser avec un outil tranchant, il s'imagine qu'il y a là beaucoup de choses nuisibles. L'ouvrier rit de sa simplicité, celui qui blâme dans la création les êtres dont il n'aperçoit pas l'utilité, ressemble à cet ignorant. Il y a ici-bas beaucoup de créatures qui, sans être utiles à nos usages, servent néanmoins à compléter l'univers. Avant le péché, l'homme en faisait un bon emploi, rien n'était nuisible pour lui, pas même les animaux venimeux. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.